Serviteur de l'Éternel, loué, loué le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus.